boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Comme la semaine passée, on ouvre avec de l'air irlandais de Clockworks, découvert à l'Élysée-Montmartre en première partie de Johnny Marr, nous a convaincus. On vient d'écouter Best Days, morceau doux amer qui montre bien l'étendue du talent du quatuor irlandais, qui enchaîne à présent avec deux titres, Bills and Pills, suivi de Bla Bla Bla, oh, que je ne traduis pas. Hannah's into Charlie, Charlie is a speed freak, David likes a double, but he's scared to be in trouble. Jack smoking is chronic, I swear Matt's an alcoholic. Karen turns to pills when the bills run into double. Hannah's into Charlie, Charlie is a speed freak, David likes a double, but he's scared to be in trouble. Jack smoking is chronic, I swear Matt's an alcoholic. Karen turns to pills when the bills run into double. Coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. dick string. My wonder will cover, drowned out by bickering and bitching. Strangers in the sitting room, danger in the kitchen. If everybody's talking, is anybody listening? The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. The bills keep coming, so the pills keep coming. There's a bang bang on the door. She's not waiting for the man anymore. He knows her well, she'll take what she can. And he'd sell water to a drowning man. He'd sell water to a drowning man. He'd sell water to a drowning man. He'd sell water to a drowning man. He'd sell water to a drowning man. Les Clockworks sont dans Pop and Rock. It's all about the non-stop blah blah blah. It's all about the job, watch, house and car. It's all about the finding a new witch. You better scratch until it scars. All about the coveting of clout. It's all about the stand out with the crowd. It's all about the hand wringing while swinging between confidence and anymore. En ce mois de novembre, on cherche un peu de lumière et de chaleur, alors Pop & Rock pioche dans les nouveautés de ce second semestre qui voit arriver les albums des Lemonheads, Jeez et autres Baxter Dury. Mais ce soir, les nouveautés auront pour nom Sprints, Black Lips, Idlewild et autres Warlocks, puisqu'il faut bien un premier, ce sera Idlewild, groupe d'un dénommé Roddy Wumble dont l'album éponyme arrive peut-être 20 voire 30 ans trop tard, c'est la piste 6 Make It Happen qui a retenu malgré tout toute mon attention. Dans la liste des groupes dont le pseudo contient Black, il y a les Lèvres Noires. Tout un programme, 26 ans de carrière, les Black Lips, devenus des Quadras, continuent d'animer la scène rock. Season of Pitch, 14 titres qui ne plairont certainement pas à tout le monde, mais est-ce là l'important ? Open your eyes, it's another day in hell. You go back to sleep, crawl back in your shell. Take a deep breath. And you try to feel alive, but nothing is holding, and you just wanna die. Walking outside, and the sun's beating down, makes your skin crawl, and you fall to the ground. All the trees out in dreamland were bearing their fruit. You just happen to be a juicy peach on their root. You gotta hold on, keep dreaming. Wild one, you're too wild for this world. All that sweet golden beauty you song. You gotta hold on, keep dreaming on. Wild one, you're too wild for this world. Merci la voix off. Far apart, darling. Don't toujours, quand on gratte pour vous proposer de nouveaux albums, on tombe à se faire mal sur des groupes qu'on essaie vite d'oublier. Parfois, on découvre malgré tout des perles, et ce soir, c'est le groupe de Carla Chubb que je ne connaissais pas avant ce mois de novembre. Carla Chubb, âme folle des Sprints. Quand on écoute la piste 1 Abandon de Something Gonna Happen, on se dit que la fille des Sprints est calme. Pourtant, disons-le, Emil Taylor devrait se méfier. hides me, but it doesn't hold me. Oh, it's cold, oh, it's cold to the bone, to the bone. Oh, it's cold, oh, it's cold to the bone. Prince, c'est donc être doux, voire très calme, oui, mais voilà, la douceur peut masquer une énergie fabuleuse. On quitte Karachub et ses Sprints avec Descartes, un des nombreux titres survitaminés des Sprints. Ok, ok, la voix off, ménageons donc tes vieilles oreilles. We'll be right back. Mais attention, Bob Mould, le père du rock grunge, s'est aussi secoué vos neurones. Les nouveautés du soir s'appelaient donc Idlewild, les Sprints, les Black Lips, mais si vous n'avez pas noté, foncez sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR, vous y retrouverez toutes nos playlists et même nos émissions en podcast. Hé hop, un peu d'autoréclame, gonflez le gars. Eh ouais, la voix off, je fais ton boulot. Album The Chain, morceau Mr. Boogeyman, groupe de Warlocks, fidèle parmi les fidèles de Pop & Rock, à qui nous rendons ce soir hommage en vous présentant en cette fin de Pop & Rock The Manic Excessive Sons Of, toujours marqué par cette voix lancinante de l'anonyme Bobby Eckscher. Album sorti en août 25, ouais, on l'avait manqué, donc on se rattrape ce soir. Stone in the dark. It takes forever. from hell. If I deserve this lonely death of myself, there isn't any answer. Humans only wonder. There's no such thing as freedom anymore. 'Cause we are almost. We are almost. We are almost children. Vous avez aimé? Non? Oh, tant pis! We'll be right back. assez de nouveautés pour ce soir, on va finir par des oldies but goldies. Eh ben dis donc, ça faisait longtemps. Oh, tais-toi, la voix off. Comme dirait le programmateur, bon vent à tous! Mais vraiment, tais-toi la voix off! Allez, bon vent à tous! Times. your daughter cry. Apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's popular, we say it's full of ground. Hope that we feel this way forever. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.